quelle que soit son expérience avec le double, quelle que soit la quantité d'informations qu'il génère, qu'il canalise à partir du double, il n'en souffre jamais. Parce qu'il n'y a pas de mémoire de l'essayer, il n'y a pas de trace. Et au niveau de l'expérience humaine, de toute la Terre, de toutes les nations, de tous les peuples, la mémoire, la trace de la mémoire est très grande. De sorte que si vous étiez capable de regarder, de voir, et de comparer, si vous voulez, l'intelligence d'un homme fusionné et l'intelligence d'un homme qui ne l'est pas, vous verriez que dans l'intelligence d'un homme qui est fusionné, il y a deux couleurs de fond. Une couleur jaune et une couleur blanche. Et dans un homme qui n'est pas fusionné, il y a toutes sortes de couleurs. Et les couleurs qui sont en dehors du blanc et du jaune sont des couleurs qui représentent de la mémorisation, des traces. Et l'homme aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, qui est très habitué à la connaissance, à la recherche de la connaissance, à l'étude, à la pensée scientifique, philosophique, ainsi de suite, s'est créé une mémoire tellement profonde et s'est habitué tellement profondément au mécanisme de la mémoire, qui est un mécanisme astral luciférien, que ça devient très difficile pour l'ego de réaliser, lorsqu'il change, qu'il peut vivre sans cette mémoire-là, ou qu'il puisse rejeter cette mémoire-là. Et ça, c'est un des grands mystères de l'intelligence future de l'humanité. Dans l'évolution ou dans le futur de l'homme, une des grandes découvertes de l'intelligence de l'homme, ou une des grandes découvertes de l'homme à travers l'intelligence, la canalisation, sera de réaliser, et remarquez bien ce que je vous dis, que de l'intelligence, ce qu'on appelle, nous autres, de l'intelligence, c'est un processus de lumière, de luminosité, d'énergie, qui détruit la mémoire. Donc, de l'intelligence créative, c'est un processus, c'est une énergie qui détruit de la mémoire. Et plus on détruit de la mémoire, plus on est, en parenthèse, dans l'intelligence. Bon. Si vous considérez le monde de la pensée et le monde de la lumière comme étant deux mondes, comme deux globes, là. L'homme fonctionne dans un globe depuis des millénaires, le monde de la pensée. L'homme nouveau fonctionnera en fonction de l'autre globe, qui est le monde de la lumière. Et le monde de la lumière doit rentrer complètement dans le monde de la pensée pour détruire la mémoire. Et ce processus-là, c'est un processus qui permettra à l'homme de connaître les lois de la matière à tous les niveaux. Autrement dit, il y a un équilibre, il y a une densité dans ces deux mondes-là qui doit éventuellement se rejoindre. Alors, vous mettez la densité de l'énergie de la conscience supramentale dans un monde mental de l'homme inférieur et automatiquement, cette densité-là détruit la mémoire. Donc, l'intelligence, ce qu'on appelle de l'intelligence créative, tant que l'homme sera obligé de parler, tant que l'homme sera obligé de parler sur la Terre, il sera obligé de détruire la mémoire ancienne de l'involution. Et c'est le plus loin qui ira l'homme dans l'intelligence avant la fusion. Autrement dit, que vous preniez n'importe qui parmi vous là, qui donnerait des conférences, qui donnerait des séminaires, quoi que ce soit, là, ou qui écrirait des livres, ce qu'il ferait pendant qu'il écrit, qu'il donne des conférences, ce serait de détruire de la mémoire. Ceci deviendrait de la nouvelle connaissance. Lorsque cet homme-là serait obligé de passer à une autre étape de l'évolution de l'intelligence, après la fusion, il ne pourrait plus écrire, il ne pourrait plus parler. Toute communication se ferait par télépathie. Alors là, le moment dans l'évolution future où l'homme communiquera par télépathie, il n'aura plus à détruire la mémoire. Elle aura été détruite. Chez ceux avec qui il communiquera. Donc, le processus relationnel entre les hommes sera un processus vibratoire, télépathique, et à ce moment-là, les hommes recevront de l'information d'un très haut niveau qui fera partie du pouvoir vibratoire de leur intelligence et qui leur permettra de construire une nouvelle civilisation. Mais avant que l'homme puisse construire une nouvelle civilisation, il faut que la mémoire de l'humanité soit totalement détruite dans les individus qui vivent ou qui ont cette mémoire. Alors, il y a deux sortes de connaissances sur la Terre. Il y a la connaissance archaïque de la mémoire, et il y a la connaissance qui relève du phénomène de destruction de la mémoire. Après la fusion, ou lorsque le cycle sera réellement commencé, qu'il aura éclaté dans le monde, à ce moment-là, il y aura un autre cycle de connaissance, qui sera un cycle totalement scientifique. Et ceux qui vivront dans ce cycle-là, ceux qui seront la manifestation, si vous voulez, sur le plan matériel de ce cycle-là, seront des scientifiques purs. Ils n'auront plus de mémoire, ils n'auront plus à détruire la mémoire, ils créeront une nouvelle forme. La nouvelle forme deviendra la nouvelle science. Mais ce sera une forme qui ne sera pas gérée, qui ne sera pas sous le contrôle des forces astrales. Ce sera une forme qui sera sous le contrôle de l'homme. La beauté de la connaissance, ce n'est pas dans la connaissance elle-même. Si la beauté de la connaissance est dans la connaissance elle-même, à ce moment-là, la beauté de la connaissance est dans la mémoire de la connaissance. Alors, la beauté de la connaissance n'est pas dans la connaissance elle-même, la beauté de la connaissance est dans sa capacité de détruire la mémoire de l'humanité. Vous comprenez-tu, là? Et dans ce processus-là, qui est extrêmement important pour l'homme, quand je vous disais dans les séminaires, par exemple, c'est important que vous en arriviez à être suffisamment centrique pour prendre conscience de vous-même, prendre conscience de votre intelligence, prendre conscience que vous êtes intelligent, prendre conscience qu'il y a en vous de l'intelligence, même si vous n'avez pas un doctorat. Et je vous disais ceci pour que vous vous habituiez au niveau de l'ego, de canaliser de l'information qui vient du double, pourquoi? Pour détruire la mémoire. Si l'homme n'est pas capable de détruire en lui la mémoire, il n'est pas capable de progresser dans son intelligence, parce qu'il n'est pas capable de vibrer à une vibration qui n'est pas affectée par le mental ou l'émotion. Et l'intelligence de l'homme commence au-delà, ou elle commence lorsqu'il y a eu cette distillation du mental et de l'émotion. Dans les années qui viendront, l'homme sera obligé et s'apercevra, ceux qui commencent à parler aujourd'hui, ils s'en aperçoivent un petit peu plus, et ils s'en apercevront de plus en plus avec le temps, que la fonction dans le monde de l'instruction, c'est de détruire la mémoire. Que vous fassiez de l'instruction en fusion, que vous fassiez de l'instruction en voie de fusion, ça n'a pas d'importance, c'est de l'instruction pareille. Là où il y a intelligence, c'est de l'instruction. Mais là où il y a intelligence, il y a automatiquement destruction de la mémoire de l'humanité. J'ai fait une expérience assez intéressante tout à l'heure quand je vous ai parlé des 144 000 et ainsi de suite. Quand on regarde les choses du point de vue de l'intelligence et qu'on regarde l'humanité ou la connaissance de l'humanité du point de vue de l'intelligence, ce qui est le plus étourdissant, ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'on réalise une chose, et surtout qu'on a la facilité de communication avec le double pour le réaliser encore plus, c'est qu'on s'aperçoit que la mémoire, toute mémoire, n'importe quelle mémoire, à tous les niveaux, dans sa qualité la plus absolue, est luciférienne. Alors, même si elle a servi à l'évolution, même si elle a servi à l'évolution progressive du biologiste, du mental, de l'émotionnel humain, elle est luciférienne dans un sens extrêmement occulte, pas dans un sens moral. Elle est luciférienne dans le sens qu'elle sert des entités qui sont en dehors du plan matériel de l'homme. Lorsque l'homme n'a plus de mémoire, lorsque l'homme n'aura plus de mémoire, lorsque l'homme ne pourra plus se servir de mémoire, à ce moment-là, n'ayant plus de mémoire, il ne pourra plus servir les entités qui sont en dehors de l'homme, il servira simplement l'homme. Donc, la connaissance de l'homme de demain doit servir l'homme, non pas servir les entités qui sont en dehors de l'homme, dans l'astral. Ça, c'est une des raisons pour laquelle Aujourd'hui, dans les années qui viendront, ce sera encore pire. Pourquoi les forces astrales, à travers la voyance, les clairvoyants, ainsi de suite, s'attaqueront énormément à mon travail? Parce que mon travail affaiblit les fondations de ces mondes-là pour le bénéfice de l'homme, au lieu que ces forces-là bénéficient de la mémoire dans l'être humain pour la subjugation constante de l'homme et le maintien de l'homme à l'intérieur des cours de l'évolution. Et c'est évident, c'est tellement absolument évident que ce n'est pas à l'astral qu'on peut demander conseil. Ce n'est pas à l'astral qu'on peut demander conseil. Demander à l'astral conseil, c'est comme demander à un avocat conseil que l'on sait être voleur. Il connaît bien la loi. L'astral connaît bien la loi. L'homme ne connaît pas la loi. Et une des grandes découvertes de la conscience supramentale de la psychologie de l'homme, de la science, de l'intelligence, des années à venir, sera la réalisation par l'homme, non pas par l'astral ou à travers le biais de l'astral, par l'homme, que toute mémoire, n'importe laquelle mémoire, absolument, est anti-homme. Toute mémoire est anti-homme. Regardez vos vies, regardez vos expériences, regardez vos sentiments, vous regardez le choc de vos expériences, surtout dans le domaine des relations humaines, dans le domaine de l'amour, ainsi de suite, et vous verrez que dans vos sentiments, il y a de la mémoire, dans vos mémoires, il y a du sentiment, et ce sont ces chaînes qui vous empêchent d'alléger vos vies. C'est tellement fort, que c'est la fondation même de tous les royaumes qui, dans leur totalité, ont descendu vers les plans les plus inférieurs pour donner naissance à l'homme dans la matière. C'est absolument inouï. La rage de pleurer naît de cette vision-là, de cette expérience-là, de ce savoir-là. La rage qui est le combat de l'intelligence contre l'ignorance, qui est le combat du mental supérieur contre le mental inférieur, qui naît du grand vide à l'intérieur duquel le double éclaire l'homme contre les parois extrêmement éblouissantes de la mémoire humaine située dans le mental humain et dans l'émotion de l'homme. L'homme n'a jamais étudié la mémoire, le mécanisme de la mémoire. On n'a jamais été expliqué qu'est-ce que c'est la mémoire. C'est une science absolument éblouissante, extraordinaire, dont la compréhension dans ces mécanismes les plus profonds, les plus occultes, inviteront éventuellement l'humanité à créer des armes qui leur serviront de support matériel dans la construction des systèmes de civilisation future, afin que l'homme puisse s'occuper à autre chose que la manutention d'informations plutôt mécaniques. La compréhension des lois de la mémoire, un homme qui connaît ou qui a le pouvoir de travailler avec l'énergie selon la compréhension des lois de la mémoire, parce que la mémoire, ce n'est pas simplement un phénomène de l'ordre mental. La mémoire existe aussi sur le plan de l'atome, sur le plan du biologisme très primitif. Et l'homme qui peut travailler avec l'énergie et qui connaît les lois de la mémoire peut créer, monter une civilisation absolument éblouissante. Parce que la mémoire, c'est la mémoire bien comprise, ces lois bien comprises, sa fonction bien comprise, mène l'homme à l'étude profonde des lois de la tombe et permet à l'homme de libérer la tombe. Et lorsque l'homme peut libérer la tombe, il peut faire énormément de choses. Mais pour que l'homme libère la tombe, il faut qu'il connaisse les lois de la mémoire de l'humanité. Parce que la mémoire de l'humanité, elle est imprimée sur les sous-plans atomiques de la matière qui constituent le vital, le physique, dans la génétique, l'émotionnel, le mental. Donc la compréhension des lois de la mémoire, qui est une compréhension vibratoire, qui est le produit de l'alliance entre une énergie de haute vibration imprimée sur un cerveau très perfectionné, qui est le cerveau de l'homme, permet à l'homme de se désengager parfaitement des impressions créées par la mémoire sur le plan mental, émotionnel, vital et physique. Et lorsque l'homme n'a plus de mémoire, lorsqu'il n'y a plus d'impressions possibles sur le plan mental, il devient intelligent. Lorsqu'il n'y a plus d'impressions possibles sur le plan émotionnel, il devient libre. Lorsqu'il n'y a plus d'impressions possibles sur le plan vital, il devient en santé. Lorsqu'il n'y a plus d'impressions possibles sur le plan matériel, il se dématérialise. Alors, le phénomène de la mémoire, ça va très loin. Les êtres qui vivent ou qui évoluent dans d'autres systèmes, qui travaillent avec les matières, ne travaillent qu'avec une chose, la mémoire. Parce que dans le cosmos, toute création naît de la compréhension des lois de la mémoire. Autrement dit, si on développe un axiome dans la période postmoderne, ce serait un axiome comme celui-ci. L'homme qui connaît la mémoire de la matière et peut construire la matière selon cette mémoire. Alors, plus un homme connaît les lois de la mémoire, sur une planète, dans une galaxie, plus il peut créer, monter une civilisation superbe. Parce que la mémoire, c'est pas ce que l'on pense, de la même façon que la vie, ce n'est pas ce que l'on pense. Il ne faut jamais perdre de vue, les hommes, que nous vivons sur le plan matériel, sur la planète, par juxtaposition, c'est-à-dire que nous vivons par réflexion à tous les niveaux, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau vital et au niveau physique, au niveau de nos sens. Donc l'homme vit par juxtaposition, l'homme ne vit pas par interpénétration. Et pour que l'homme connaisse les lois de la vie, pour que l'homme vive, pour que l'homme s'exécute en tant que créateur, pour que l'homme devienne son propre centre, son propre soleil, dans une planète ou dans une galaxie quelconque, il faut qu'il vive par interpénétration. Il ne peut pas vivre par juxtaposition. Et les seuls êtres qui vivent par interpénétration aujourd'hui sont les êtres de l'astral, et non pas l'homme. Mais les êtres de l'astral vivent par interpénétration, mais ils interpénètrent quoi? Ils interpénètrent le monde de l'homme. C'est le monde mental et le monde émotionnel de l'homme qui est interpénétré par eux. Alors, si nous voyons le pouvoir de l'astral sur l'homme à cause des lois à cause du pouvoir d'interpénétration de ses êtres, et que nous projetons dans l'avenir, où nous voyons que l'homme a aussi le pouvoir d'interpénétration, nous pouvons voir qu'un jour, l'homme sera plus puissant dans la matière, dans le mental, dans l'émotion et dans le vital, que les êtres de l'astral. Pourquoi? Parce que déjà, il aura compris les lois astrales, les lois de la mémoire, et ayant deux principes de plus que ces êtres-là, le principe vital et le principe physique, déjà, il sera plus comblé dans l'exécution du plan de l'évolution qui fait partie des forces de la lumière que ces êtres-là qui sont comblés dans le plan d'exécution qui fait partie des forces lucifériennes. Alors, quand vous lisez des livres, ou quand vous allez vers des cartomanciennes, ou quand vous pensez, sachez toujours que ce que vous avez accès, c'est de la mémoire. Et si vous en arrivez à réaliser ceci d'une façon suffisamment profonde, vous développerez automatiquement une préscience, c'est-à-dire que vous développerez une vibration qui viendra directement du double, chercher dans l'expérience de lecture, dans l'expérience livresque, ou dans l'expérience de communication avec une voyante, ainsi de suite. Vous aurez tout de suite l'énergie du double qui viendra éclairer ce que vous avez reçu en tant que mémoire. Donc, à ce moment-là, vous pourrez lire, vous pourrez voir carte ancienne, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais vous ne serez pas piégé par la mémoire. Le double, à cause de sa vibration, jettera automatiquement de la lumière sur cette mémoire et vous fera comprendre la limite de la mémoire. Donc, automatiquement, vous deviendrez, vous commencerez à vivre de l'intelligence. Et ce n'est pas aussi facile qu'on se l'imagine de détruire de la mémoire. Il y a de la mémoire qui se détruit suffisamment bien. Mais plus la mémoire est ancienne, plus elle est difficile à détruire. Alors, si vous allez chercher de la mémoire d'il y a 2000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 10000 ans, 15000 ans, 20000 ans, plus cette mémoire est difficile à détruire. Pourquoi? Parce que plus la mémoire elle est vieille, plus elle est logée dans les hauts plans de l'astral. Donc, plus vous allez haut dans l'astral, plus vous allez toucher à de l'ancienne mémoire, donc, plus vous faites face à ce qu'on appelle le sacré. Donc, qu'est-ce que c'est le sacré? C'est la plus vieille des mémoires, donc c'est la plus dangereuse. Et c'est celle-ci que l'homme trouve le plus difficile à détruire, et ça vous montre jusqu'à quel point l'intelligence de l'évolution, l'intelligence luciférienne, est grande et très perfectionnée. Détruire de la mémoire de première occasion, c'est suffisamment facile, parce qu'elle n'est pas encore stabilisée, elle n'a pas été sanctionnée par les siècles, elle n'a pas été sanctionnée par les institutions humaines, par les réseaux religieux, les réseaux philosophiques, ou les mythologies, ou les légendes. Mais entrer dans le domaine de la légende, de la mythologie, des religions, des pensées de haut ésotérisme oriental, et daigner attaquer cette mémoire, vous verrez combien c'est difficile de le faire. Vous sentirez en vous une vibration dans l'ego. Une vibration, une sorte de mur. C'est comme un mur. Et la première réaction de l'ego, c'est quoi? C'est de questionner s'il a raison. C'est de questionner s'il a raison dans la destruction de cette mémoire. Après tout, je suis simplement un petit homme. Et cette mémoire, elle est tellement grande. Elle a été vécue par des milliers et des millions d'hommes pendant des milliers et des milliers de siècles. Qui suis-je, moi? Qui suis-je, moi? Et ainsi de suite. Alors, l'ego se questionne. Mais ça fait partie du pouvoir de la mémoire sur l'humanité. Autrement dit, le plus grand pouvoir satanique sur la Terre, c'est la mémoire. C'est par la mémoire que l'homme est enchaîné par la Terre. On prend par exemple le phénomène de la Bible, les 144 000 de la Bible. C'est écrit, c'était présenté, il y a des raisons, c'était bon. Mais qui oserait détruire la mémoire? Quel homme oserait détruire la mémoire de la Bible? La mémoire de la forme de cette information? Qui? Qui? Certes pas l'ego qui pense. Certes pas l'ego qui vit encore de cette mémoire. Il faut que ce soit un homme qui ne vit pas de mémoire. D'où ce qu'on appelle le phénomène de l'intelligence créative. J'essaie de vous simplifier la tâche, de vous simplifier le phénomène humain, de vous faire comprendre d'une façon facile ce qui ne se comprend pas par l'intellect, par la mémoire. Quand je vous dis qu'un homme conscient, un homme, surtout un homme fusionné ne peut pas croire. Le fait de croire fait partie de la mémoire. Le fait de croire. Et aussitôt que vous avez ou que vous vivez le fait de croire, vous êtes dans la strate. Si vous étiez capable de sortir et d'aller d'investiguer directement dans l'astral ce que vous croyez, vous le verriez. Donc, si vous croyez, si vous croyez à un Dieu ou si vous croyez à une chose, vous allez dans l'astral, vous le verrez. Vous le verrez, le Superman. Il se présentera à vous dans sa forme la plus glorieuse, la plus éblouissante, la plus extraordinaire, la plus indéfinissable. La plus ineffable. Et vous reviendrez dans la matière, vous écrirez un livre, vous direz le Dieu est ineffable. Et la mémoire continuera. Ainsi pendant les siècles. Et regardez les mots qui ont été utilisés par les mystiques, les grands écrivains, ceux qui sont revenus du haut astral pour décrire cette expérience ultime de l'homme inconscient, spirituel, de haute évolution spirituelle. Ce sont les mots ineffables, indescriptibles. Pourquoi? Parce que ces mots qui n'ont pas de forme suffisamment psychologique pour traduire dans l'émotion de l'homme une mentation capable de définir la réalité de l'impossible, de l'infinité, c'est une condition qui ressort du fait que l'homme est incapable d'avoir accès à de l'intelligence pure, parce qu'il est incapable de savoir par lui-même que toute la forme de la mémoire provient du mensonge établi par les forces lucifériennes depuis le début de la création. Et ceci est tellement inouï que moi j'ai le plaisir de le parler, parce que j'ai le plaisir de le vivre, parce que j'ai le plaisir de le diffuser. Pourquoi? Parce que ça fait partie des forces de vie. Ça fait partie de la vie d'éclairer la mort. Ça fait partie de la vie d'éclairer ce qui est sombre. Ça fait partie de la vie de détruire ce qui lui nuit. Et la vie est sans fin. Donc, l'homme a énormément de choses à apprendre. Nous parlons du phénomène luciférien, du mystère de Lucifer. Mais qu'est-ce que c'est, ce mystère de Lucifer? Est-ce que Lucifer existe réellement? Est-ce que le phénomène luciférien existe réellement? Ou est-ce que le phénomène luciférien a été créé pour que l'homme ait l'impression qu'il existe, afin de maintenir l'homme dans l'impression qu'il existe, pour que l'impression qu'il existe devienne la mémoire de l'homme, afin que la mémoire de l'homme devienne une impression constante pendant des millénaires? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est subtil, l'astral. Quand je dis que l'homme découvrira les choses les plus absolues des mystères au fur et à mesure qu'il apprendra à parler sans émotion, je dis que par la parole qui viendra sur la terre avec les siècles qui viennent, sera la force, la puissance même de la lumière dans la matière. Aujourd'hui, la parole sert à tuer la mémoire. Demain, la parole servira à lever les blocs de pierre contre les forces de gravité. Mais il ne faut pas d'orgueil dans l'homme, il ne faut pas d'orgueil dans l'ego, il ne faut pas automatiquement de réflexion dans l'ego pour que ceci se fasse. Pour détruire ce qui a servi dans le passé, pour que l'homme puisse détruire ce qui a été créé dans le passé, pour que l'homme puisse neutraliser ce qui est satanique et luciférien, pour que le double de l'homme puisse prendre le contrôle de la terre, il faut que ce qui est luciférien soit enchaîné. Et pour qu'il soit enchaîné, il faut que l'homme possède lui-même les chaînes. Et pour que l'homme possède les chaînes, il faut que lui-même ait accès au cadenas. Et quel est le cadenas? C'est l'intelligence qui détruit la mémoire. Autrement dit, ce que nous appelons le luciférique ou le luciférien est une construction. C'est une construction autrement dit, si on me demande est-ce que c'est réel, je dis que tout est réel. Tout est réel dans ce sens que tout régit par la loi de cause et d'effet. Mais qu'est-ce qui ne régit pas par la, par la loi de cause et d'effet? Qu'est-ce qui est en dehors de la loi de cause et d'effet? Qu'est-ce qui est en dehors de la loi de cause et d'effet? L'énergie. L'énergie, c'est la seule chose, c'est la seule réalité qui est en dehors de la loi de cause et d'effet. Mais aussitôt qu'elle se meut dans le temps, elle devient cause et effet. Donc, l'énergie indifférenciée est en dehors de la loi de cause et d'effet. Donc, l'énergie indifférenciée vient avant la création. Donc, l'énergie qui vient avant la création, qui est indifférenciée, seule cette énergie a la capacité de défaire ce qui a été fait. Donc, seule l'énergie peut détruire ce qui est luciférien. Mais pour que l'énergie détruise ce qui est luciférien existe sur plusieurs plans. Ce qui est luciférien existe sur le plan matériel, dans la construction qui provient de l'exécution mentale et émotive de l'âme. Ce qui est luciférien existe dans le mental de l'âme, ce qui est luciférien existe dans l'astral de l'âme. Autrement dit, ce qui est luciférien existe sur différents plans de l'invisible. Et la seule chose qui puisse détruire le luciférien, c'est l'énergie. Donc, le double. Le double est énergie. Donc, si le double est énergie, où commence l'intelligence qui puisse détruire le luciférien? Elle commence dans le contact entre le double et le mental de l'homme. Mais quand peut-elle entrer dans le mental de l'homme? Quand l'émotion et le mental ont été séparés. Et quand le mental et l'émotion ont été séparés, le double s'est renforcé, s'est perfectionné, et à un certain point, le double, il est actif, il est créatif. L'homme est devenu un être, un homme-dieu. C'est-à-dire qu'il est devenu un être créateur. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'intervenir dans les archives de la mémoire de l'humanité, soit sur le plan matériel, soit sur le plan astral, et de pointer le doigt à n'importe quelle mémoire ou à n'importe quelle personnification de la mémoire sur les plans, dans n'importe quel temps, et dire « ceci, ça n'existe pas, ceci, ça n'existe pas ». Et automatiquement, parce que la mémoire sur ces plans est personnifiée, d'où sa puissance dans l'astral, il la détruit. Donc, l'homme est capable de faire face selon son niveau d'évolution, selon son taux vibratoire, l'homme est capable de faire face sur les plans à ce que nous, nous appelons le luciférien et le neutraliser, le faire totalement disparaître de sa vision. Mais il continuera sur d'autres plans où il peut s'attacher à d'autres âmes. Mais lui en sera libre. C'est ce que nous appelons les êtres descendants. Autrement dit, il y a dans l'homme une puissance que l'homme lui-même n'a jamais réalisée, que l'homme lui-même a projetée en dehors de lui et qu'il a appelé un dieu, la seule force en dehors de lui qui pouvait détruire le luciférien, mais que lui ne pouvait pas absorber parce qu'il était trop encore luciférien. Jusqu'au jour où l'homme, cessant d'être luciférien parce que n'ayant plus de mémoire, a pris le concept de Dieu ancien faisant partie de la mémoire ancienne et l'a intégré à sa réalité en passant par le mécanisme de l'introspection, c'est-à-dire par le mécanisme qui lui a permis de réaliser, en dehors de l'ego, que l'énergie créative, elle est rendue à l'homme par l'activité du double, lorsque l'homme a rendu à l'énergie le mental et son émotionnel. Autrement dit, lorsque l'homme a rendu à l'énergie le mental et l'émotionnel, il a enlevé du mental et de l'émotionnel la mémoire. Donc, il a enlevé au luciférique ce qu'il possédait depuis très longtemps. Et automatiquement, le double, lui, a été construit, perfectionné, et l'énergie indifférenciée est devenue différenciée par le passage de cette énergie sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Donc, ceux qui vivent le doute vis-à-vis eux-mêmes, ceux qui vivent le doute vis-à-vis moi, ceux qui vivent le doute vis-à-vis quoi que ce soit, ceux qui vivent le doute, quelle que soit la nature du doute, vive de la mémoire. Le doute, c'est de la mémoire tellement enracinée dans l'homme qu'il essaie, qu'il empêche l'homme de toutes ses forces d'être libre, autrement dit, d'être intelligent. Donc, j'admets que l'on puisse douter de moi, c'est normal, nous sommes dans la mémoire. Mais ce que je n'admets pas, c'est que l'homme ait du doute. Qu'il me rejette, c'est une chose, ou qu'il m'accepte, c'est une chose, mais qu'au moins, il n'ait pas de doute. Si l'homme n'a pas de doute et qu'il a, que pour lui, je suis charlatanesque, au moins, il a une position. Il vit bien sa mémoire. Mais s'il est pris entre les deux, un jour, il faut qu'il fasse une séparation. Sinon, il sera malheureux toute sa vie. Tout d'un coup, je ne suis pas charlatanesque. Il manquera quelque chose, peut-être. Donc, le doute, l'homme ne peut pas vivre le doute. Il doit prendre position dans une direction ou dans une autre. Je préfère celui qui me prend pour un charlatan que celui qui divague entre les deux. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Ah, il faut que l'homme fasse, quelque part, son choix. Vis-à-vis de lui-même, pour bien ou mal s'entretenir avec moi. Alors, le doute vient de la mémoire, naît de la mémoire, et c'est la force, une des grandes forces qui fait souffrir l'homme et qui empêche l'homme d'en arriver à se connaître parfaitement. Et la mémoire, c'est ce qu'il y a de plus sombre dans l'actualisation de l'énergie. Tout ce qui est mémoire est sombre. Ça n'existe pas de la mémoire. De la mémoire blanche, de la mémoire jaune, ça n'existe pas. Tout ce qui est mémoire est assombri par le fait qu'elle est luciférique. Je puis certainement dire, en tant qu'homme, dans mon expérience, que le fait que je n'ai pas de mémoire, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir de mémoire. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas créer de la mémoire. Mais le fait que je n'ai pas de mémoire qui soit sous le contrôle émotif et mental de mon ego, c'est certainement une des plus belles expériences de ma vie. Certainement une des plus grandes, en tout cas. Il y en aura d'autres. Mais ça, c'est certainement une des plus belles. Parce que c'est justement dans ce fait, dans cette expérience, que je vis l'union avec moi-même, que je vis mon moi-même en fonction d'une multidimensionnalité de l'être. C'est la plus grande expérience de l'homme. Une des plus grandes, il y en a d'autres. Donc, nous devons veiller à comprendre et à saisir. J'essaie de vous le mettre d'une façon très simple, le mécanisme de la mémoire chez l'être humain. C'est la chose la plus ignoble, mais la plus importante qui a été créée dans le passé. S'il n'y avait pas eu de mémoire, nous n'aurions pas aujourd'hui le mental que nous avons. Parce que le mental devait se nourrir de quelque chose. Et il s'y nourrit de quoi? Il s'y nourrit de connaissances, ainsi de suite. Il s'est développé jusqu'à ce que vienne l'évolution ou ce projet est arrêté dans sa traque. Si nous allons un peu plus loin dans le domaine du luciférien, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est mémoire est réel. Mais quelle est la définition du réel? La définition du réel, elle est très simple. Ce qui est réel est en dehors de la mémoire. Donc, ce qui est mémoire a sa réalité. Mais c'est une réalité qui n'appartient pas au réel. C'est une réalité qui appartient à cette condition inférieure de l'homme qui fait que la mémoire devient pour lui réelle parce qu'elle est vécue sur le plan mental. Enlevez-la du plan mental, elle n'est plus réelle. Elle n'existe plus. Il n'y a que la présence à ce moment-là de l'énergie dans le mental qui donne à l'homme l'inception ou l'infusion de la connaissance. L'énergie crée sa propre connaissance au fur et à mesure qu'elle avance. Comme si vous mettiez du sable et de la chaux et de la pierre dans un camion à mixeur, et au fur et à mesure que vous avancez sur la route, il se mixe lui-même. Et rendu à destination, vous avez le ciment qui est prêt. Alors l'intelligence, c'est un processus de création par l'énergie, donc ce n'est pas un processus fixe, c'est un processus qui s'autogénère au fur et à mesure que les conditions le nécessitent, parce qu'il n'y a pas de perte d'énergie dans le cosmos, donc au fur et à mesure que l'homme a besoin d'une certaine connaissance, il la crée. Donc dans 200 ans, 300 ans, 500 ans, 2000 ans, nous créerons notre connaissance au fur et à mesure que nous aurons besoin de ce nouveau ciment pour créer et établir les fondations d'une nouvelle science. Mais nous ne sommes pas habitués de créer notre connaissance instantanément parce que nous avons été trop habitués à vivre d'une connaissance qui était fondée sur la mémoire, parce que nous avions l'insécurité dans l'ego de savoir. Nous avions l'insécurité dans l'ego qui nous empêchait de pouvoir prendre conscience de notre capacité intégrale en tant qu'être conscient de vivre l'absolu. Et remarquez tous les concepts de l'homme, Dieu, l'absolu, l'infinité, l'éternel, l'immortel, ce sont des concepts que nous avons projetés en dehors de soi, parce que nous ne pouvions pas, sur le plan de l'ego, nous les intégrer. Donc, de ces concepts, Dieu, immortel, infinité, ainsi de suite, nous avons formé des religions. Alors, les religions sont quoi? Elles sont le produit de notre défaillance mentale, c'est-à-dire de notre incapacité mentale et émotive de pouvoir intégrer en nous des concepts que nous-mêmes avions créés. De là la chute. La chute de l'homme a commencé lorsqu'il a été obligé de projeter à l'extérieur de lui-même des concepts qu'il ne pouvait pas lui-même s'intégrer parce qu'il avait perdu contact avec le double. Oui, nous vivons ça depuis un certain nombre de millénaires. Et maintenant que nous remontons le courant, que nous remontons le temps, que nous revenons à la source, nous revenons à l'énergie, donc nous apprendrons petit à petit à nous servir de l'énergie. Et en apprenant à nous servir de l'énergie, nous apprendrons à réaliser qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons et pourquoi nous sommes ici. Donc la question philosophique de l'homme, qui a été une plaie philosophique pendant des siècles, qui a tracassé les philosophes comme les métaphysiciens, comme les religieux, sera totalement éliminée, parce que l'homme retournant à la source veut dire retourner à l'énergie. En retournant à l'énergie, il créera ses propres réponses, et en créant ses réponses, il éliminera ses propres questions. Donc, il ne souffrira plus psychologiquement, philosophiquement et métaphysiquement du phénomène très très ancien de l'origine qui a été manifestement, symboliquement représenté chez lui par l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il n'y aura plus d'alpha et d'oméga pour l'homme, l'homme réalisera que lui-même est l'alpha et l'oméga. C'est l'homme qui est l'alpha et l'oméga. Mais pour que l'homme réalise qu'il est l'alpha et l'oméga, il faut qu'il soit dans son intelligence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans l'énergie qui bombarde son mental et qui lui crée cette réalisation. Parce que c'est seulement l'intelligence qui peut créer la réalisation, quelque absolue qu'elle soit. Et à ce moment-là, l'ego désengagé émotivement du mental et le mental désengagé de l'ego est capable d'absorber le pouvoir vibratoire de l'énergie qui frappe ses plans. Donc, l'homme est capable d'absorber le fait qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est capable de le dire dans le monde sans qu'il y ait la vibration subjective de la spiritualité ou sans qu'il y ait la vibration subjective du doute de sa parole. Donc, à ce moment-là, la parole étant totalement vibrante dans le mental